Thank you. Putain, ça me pète les oreilles, mon piano. Et avant, je pouvais baisser le niveau, ça marche plus. Thank you.